C'était avant les vacances. Comment en sommes-nous arrivés à parler de Matahari? Je ne sais plus, sans doute parce qu'une nouvelle fois, à l'occasion d'une affaire d'espionnage, on venait d'évoquer son nom. Ce nom qui est presque devenu un nom commun. Pauvre Matahari, m'a dit Monsieur X, elle ne méritait ni autant d'indignité, ni autant de célébrité. Ma curiosité a été aussitôt mise en éveil et j'ai questionné mon interlocuteur. Avait-il des informations inédites sur la célèbre espionne condamnée à mort et exécutée en 1917? Il m'a alors confié qu'il avait eu le privilège de compulser son dossier qui dort quelque part au fort de Vincennes, je crois. Un dossier qui prouve que si, indubitablement, Matahari a touché de l'argent des Allemands, elle n'a pour autant rien espionné en France. Bref, selon M. X, elle a roulé ses employeurs. Et cette naïve a payé de sa vie sa malencontreuse intervention dans la bataille impitoyable que se livraient entre eux les services secrets. Car ce sont les Allemands, furieux d'avoir été escroqués, qui ont dénoncé Matahari aux Français. Oublions donc cette coquette qui est devenue un personnage symbolique bien malgré elle. Et intéressons-nous, avec M. X, à une autre femme qui, plus que d'autres, est entrée dans la légende de l'espionnage, même si elle n'a pas acquis la notoriété de la pseudo-danseuse javanaise. Peut-être avez-vous entendu parler d'elle, on l'appelait la chatte, mais son véritable nom était Mathilde Carré. Et si M. X a choisi d'évoquer son histoire, c'est que, affirme-t-il, tout n'a pas été dit à son sujet et qu'il reste de nombreuses zones d'ombre autour de cette espionne qui est responsable, directement ou pas, de la mort ou de la déportation de dizaines de résistants. Thank you. Pénaud, rendez-vous avec X. Et c'était une drôle de fille. C'est-à-dire? Pas vraiment belle, et pourtant... Quoi? Elle avait du chien. Ah, ça, incontestablement, et du charme. Petite, féline. Ah oui, d'où son surnom, bien la sûr, chatte. Bien sûr, et des yeux magnifiques. Des yeux qui ne vous quittaient plus une fois qu'ils vous avaient accroché. On dirait que vous l'avez connue de très près, non? Eh bien non. Détrompez-vous, la seule fois où je l'ai vue, c'était lors de son procès en 1949. Mais j'ai connu beaucoup de gens qui l'ont fréquentée, et souvent pour leur malheur. Mais d'où venait-elle, alors? Oh, c'était une petite bourgeoise, une provinciale qui s'ennuyait. Et elle vivait où, là? Elle était née au Creusot, où son père était ingénieur. Elle s'ennuyait, hein, dites-vous. Oui, Maltine n'était pas faite, enfin, c'est en tout cas ce qu'elle croyait, pour cette vie étriquée de la bourgeoisie de province. Elle voulait échapper à sa famille et rêver d'aventure. Pas original, enfin. Ouais. Enfin, et la solution à l'époque, enfin, je veux parler de l'avant-guerre, hein, c'était d'abord de se trouver un mari. Séduisante comme elle l'était, enfin, si je vous crois, elle a dû le trouver sans peine. Naturellement. Hein. Elle s'est jetée à la tête de l'un de ses professeurs, un brave jeune homme qui s'appelait Carré, et qui est aussitôt tombé follement amoureux. C'est donc elle qui l'a choisi. Exactement. Et dans l'esprit de Mathilde, ce n'était pas un mauvais choix. Carré n'était pas de taille à s'opposer à ses caprices ou à son désir de s'émanciper. Un mari complaisant, quoi. Bon, nous n'allons quand même pas trop vite. En tout cas, très peu de temps après le mariage, le jeune couple s'embarque pour l'Algérie, où le professeur Carré vient d'être nommé. L'Algérie, c'est l'aventure, enfin. Non, c'est l'ennui qui continue. Femme de professeur, Mathilde doit tenir son rang. Et à Oran, où ils habitent, on n'est guère plus éclairé qu'au Creusot. Alors petit à petit, la guicheuse jeune femme se met en devoir de fréquenter des endroits un peu moins polissés que les salons de la bourgeoisie locale. Vous voulez dire, là? Bien, elle déniche quelques bars sombres et un peu louches qui accueillent les officiers de la garnison, qui s'ennuient autant qu'elle. Et Carré, son mari? Oh, j'imagine qu'il doit fermer les yeux. D'ailleurs, la guerre de 39 survient opportunément, il est mobilisé et il part pour la Syrie. Mathilde est donc désormais libre. Et pour échapper à l'atmosphère pesante d'Oran, elle part s'installer à Alger. Et là, elle continue à s'intéresser aux officiers. Mais c'est le prestige de l'uniforme. Écoutez, honnêtement, je n'en sais rien. Enfin, faut noter que dès cette époque, la chatte a un faible pour les militaires qui s'occupent plus précisément de renseignement. Mais qu'a-t-elle en tête? Difficile à dire. Peut-être s'imagine-t-elle qu'elle pourrait rendre des services. Toujours sa soif d'aventure. Sans doute. Ouais. Mais on peut aussi penser qu'elle a déjà été engagée par un service étranger. Je ne le crois pas, non. Enfin, même si c'est vrai, sa prédilection pour les officiers du deuxième bureau peut étonner. On en reparlera, si vous le voulez bien. Ouais. Quoi qu'il en soit, sur les conseils d'un de ses militaires, Mathilde s'engage dans la Croix-Rouge et regagne le continent. Alors, pourquoi la Croix-Rouge? On a dû lui dire que si vraiment elle avait une vocation d'agent d'enseignement, un engagement dans cette ONG, comme on dirait aujourd'hui, représentait une excellente couverture. Ça signifie donc qu'on la prenait quand même un peu au sérieux? Vraisemblablement, oui. Mathilde Carré avait, comment dire, un certain don de persuasion. On ne peut pas dire les choses de façon plus élégante. Merci. Voilà donc la chatte affublée d'un uniforme d'infirmière. Elle fait ses classes dans un hôpital parisien. Elle est ensuite envoyée sur la ligne Maginot. Puis c'est l'offensive allemande. Tous les témoignages concordent. Mathilde fait preuve d'un grand dévouement et d'un réel courage. Enfin, quelque chose de positif. Oui, il y en aura d'autres, vous verrez. Après la débâcle, on retrouve Mathilde Carré à Toulouse. C'est dans la ville rose qu'elle va faire une rencontre déterminante qui va décider de son destin. Alors qui? Un officier polonais, le major Roman Cerniawski. Que fait-il à Toulouse, celui-là? Il a fait sa campagne dans l'armée française. Mais enfin, ce qui est plus important, c'est que cet officier est un membre du service de renseignement polonais. Encore? Encore, oui. Ouais. Et elle l'a rencontré par hasard? Mais pourquoi pas? Je vois que vous n'y croyez pas trop. Vous êtes perspicace. Mais encore une fois, on en reparlera tout à l'heure. Elle rencontre donc ce major polonais, et très vite, les deux jeunes gens deviennent très intimes. Ouais, c'est-à-dire qu'elle devient sa maîtresse, quoi. Elle s'en défendra plus tard. Mais pour tous ceux qui les ont connus à cette époque, ça ne fait guère de doute, ils ont une liaison. Alors, ce roman a été officier de renseignement, c'est ça, mais est-ce qu'il continue à avoir des rapports avec son service? Oui, c'est là que ça devient très intéressant. Vous savez que beaucoup de militaires polonais, après l'invasion de leur pays, ont trouvé refuge à Londres, d'où ils comptent bien continuer le combat contre les nazis. Or, Roman Cerniawski, dès cette époque, est en liaison avec l'intelligence service. Et les Britanniques comptent sur lui. Et sur d'autres, bien entendu, pour reconstituer leur réseau en France. Alors, la chatte se trouve donc au cœur de l'aventure. Bien sûr. Ouais. Elle va naturellement proposer à son amant de travailler pour lui. Est-ce qui veut dire que Roman ne lui a rien dissimulé sur ses activités, hein? C'est exact. Roman Cerniawski, dont le pseudonyme sera dorénavant Armand, reçoit l'ordre de rejoindre Paris, où il doit installer un réseau. Celui qu'on appellera le réseau interallié. Et Mathilde le suit? C'est cela. Et quels sont les objectifs de ce réseau? À l'époque, ce dont les Britanniques ont besoin, ce sont d'informations. D'informations sur les troupes allemandes, bien entendu. Sur leurs mouvements, leurs dépôts de matériel, etc. Ouais, pour ça, il faut du monde, hein. Beaucoup de monde, oui. Et la chatte va jouer un rôle très efficace dans cette campagne de recrutement. Elle est manifestement très douée et se dépense sans compter. Vous voyez que le personnage n'est pas entièrement négatif. Oui. Mais et comment le réseau transmet-il ces informations à Londres ? Par radio. Le réseau interallié dispose d'un poste émetteur. Installé où, alors ? Dans une villa sur la butte Montmartre, et telle une boule de neige qui dévale une pente, interallié ne cesse de grossir. Et les nouveaux venus sont si nombreux que le réseau peut désormais envisager de se livrer à des sabotages. Tenez, on est alors en quelle année, là ? La chatte, et Armand, appelons-les comme ça, puisque c'est son nom de code, ont dû arriver à Paris à l'automne 1940. Et pendant une grande partie de l'année 41, ils envoient une masse de renseignements considérables à Londres. C'est-à-dire un intelligence service ? Non, c'est le SOE qui a pris en main les destinées du réseau. Le Special Operation Executive. Bah. Mais un réseau qui grossit indéfiniment, c'est dangereux, non ? Parce que ça accroît les risques. Ben, vous avez raison, d'autant que les membres du réseau ne sont pas encore rompus aux techniques de la clandestinité et qui multiplient souvent les imprudences. Ouais. Alors, obéissant aux consignes de Londres, on opère des cloisonnements, heureusement. Car certains sous-réseaux échapperont ainsi à la police allemande lorsque viendra l'heure de la grande trahison. Ah, la trahison, alors. Venons-en là, à cette trahison. Bon, écoutez, n'allons pas trop vite. Dans toutes les affaires, même les plus considérables, il faut tenir compte de l'aspect humain. Or, à la mi-41, il se produit un événement en apparence anodin, mais qui va pourtant avoir des conséquences funestes. Expliquez, là. Le réseau, vous ai-je dit, a grandi. Il a des correspondants dans tous les ports de l'Ouest et de la Manche. Et il dispose même de plusieurs postes émetteurs. Et Armand décide de recruter une traductrice d'allemand. Jusque-là, je ne vois pas. Attendez. L'officier polonais se souvient d'une certaine Renée qu'il a connue à Lunéville, lors de la campagne de France. Une femme aussi qui a été sa maîtresse. Je commence à tout petit peu à comprendre. Oui. Bon, Armand fait donc venir cette Renée et immédiatement la chatte sort ses griffes. Jalousie, quoi. Oui, d'autant que rapidement, Renée redevient la maîtresse du polonais. Elle délaisse donc Mathilde. Et ce simple chassé-croisé va avoir un peu plus tard des conséquences redoutables. Believe in me, I believe in you. Rendez-vous avec X. Un journaliste anglais, Gordon Young, a consacré un livre à la chatte publié en 1957 chez Fayard. Il la décrit alors qu'elle vient d'arriver en Algérie avant la guerre. Mathilde Carré avait alors 23 ans. Si elle n'était pas vraiment belle, elle possédait un charme certain. C'était une femme un peu trapue, au nez assez large et proéminent, au menton volontaire avec une grande bouche sensuelle qui découvrait une rangée de dents trop espacées ressemblant à des crocs. Au fond de ses yeux verts et fascinants brillaient des lueurs inquiétantes. La chatte, oui, vraiment. Plus loin, le journaliste évoque ce qui a peut-être décidé de son destin, je le cite à nouveau. Ce ne fut que bien des années plus tard qu'elle confia à M. Fougère, le magistrat qui instruisit son affaire avant le procès final, un secret relatif à son mariage. Pendant les premières années de mon mariage, j'étais très heureuse car je m'entendais très bien avec mon mari. J'aurais désiré avoir des enfants, mais c'était impossible, à cause de lui. Puis en 1939, ma belle-mère m'apprit que le père de mon mari était mort dans un asile, fait qu'on m'avait toujours dissimulé. Peu après, je décidai de demander le divorce. Le fait que la jeune Madame Carré ne pût satisfaire ses désirs bien naturels de maternité éclaire cette volonté d'action qu'elle emploiera plus tard dans des buts tout différents. Quoi qu'il en soit, il ne devait pas se passer longtemps avant qu'une femme aussi dynamique se fatiguât de la vie d'époux sans enfant d'un obscur petit professeur pourvu d'un poste dans la France d'outre-mer. Les jours se suivaient ensoleillés, mais dans une monotonie quotidienne que Mathilde trouvait aussi oppressante que la lourde chaleur de l'Afrique. Comme beaucoup d'autres femmes insatisfaites, elle doit avoir dit un jour brutalement à son mari « J'en ai assez, assez, assez ». Et elle fréquenta les milieux européens d'Oran en quête de distraction. Bien avant la séparation, son union avec le malheureux Monsieur Carré avait cessé, sans aucun doute, d'être un véritable mariage. C'est donc cette femme qui est supplantée à la mi-41 par une rivale, Renée. On ne se méfie jamais assez des femmes jalouses. Eh oui. Et assurément, en mêlant sa vie privée et son travail de chef de réseau, Armand a commis une grave erreur. Parce que la chatte va trahir à cause de cette jalousie. Non, non, mais quand le processus de la trahison sera déclenché, la haine qu'elle voue désormais à Armand et Renée, sa maîtresse, va jouer un rôle considérable. Enfin, on n'en est pas encore là. Hein. Pendant encore quelques mois, le réseau interallié va rendre des services très importants. Il existe en particulier à Cherbourg une tête de pont très efficace animée par une femme remarquable, Marie-Thérèse Buffet. Quel est son travail à cette femme? À cette époque, on pense encore que les nazis n'ont pas encore renoncé à envahir l'Angleterre. Et par conséquent primordial de surveiller le mouvement des navires allemands. Et trois fois par mois, par l'intermédiaire d'un docker et d'un agent de liaison, Marie-Thérèse envoie des rapports très précis à Armand qui les transmet ensuite à Londres. Par radio? Par radio, oui. Mais vers la fin du mois de septembre, il se produit un incident. Le docker, un soir d'ivresse, se laisse aller à des confidences dans un café du port. Malheureusement, un caporal allemand est présent. La BER de service de renseignement de l'armée allemande est aussitôt alertée. Mmh. Et le docker est appréhendé, arrêté. Oui, oui. Et ici intervient un personnage dont nous allons souvent reparler, un certain Hugo Blecher. C'est un nom qui me dit quelque chose, ça. C'est pas étonnant, car je vous ai déjà parlé de lui. C'est lui qui a participé au démantèlement du réseau Prosper. Ah oui, je me souviens maintenant. Oui. Mais en septembre 1941, Blecher n'est encore qu'un modeste sergent de la Wehrmacht, basé à Cherbourg. Un homme qui se morfond là-bas car il a de grandes ambitions. Et justement, la chance vient à lui. Le capitaine de la Wehr, chargé d'interroger le docker trop bavard, a besoin d'un interprète. Et se trouve que Blecher parle parfaitement notre langue. Il est donc engagé par ce capitaine? Oui, de fil en aiguille, le modeste sergent va montrer qu'il possède d'incontestables talents de flic. Il va devenir un des plus redoutables adversaires de la résistance et des réseaux anglais implantés en France occupée. Ouais. Donc ce docker est arrêté. Est-ce qu'il parle? Oui, assez rapidement. Ce qui permet de tendre une souricière à l'agent de liaison qui vient trois fois par mois recueillir des rapports de Marie-Thérèse Buffet. Et lui aussi, un certain Kiki, parle. Désormais, l'enquête à laquelle est associé Blecher se déplace à Paris. Mmh. Et le réseau interallié, j'imagine, va tomber. Oui, enfin, je vous passe les détails. Mais dès la mi-novembre, les Allemands ont localisé la villa de Montmartre où Armand a installé la tête de réseau. Ouais, il passe émetteur. Bien sûr. Or, le 16 novembre au soir, il se trouve que les principaux membres dirigeants d'interallié sont réunis dans la villa. Pour quelle raison Ils dînent ensemble et fêtent le premier anniversaire de la création du réseau. Et certains restent pour la nuit à l'intérieur de la villa. Écoutez, je ne connais pas aussi bien que vous les usages de la clandestinité, hein, mais Mais cette réunion d'anniversaire n'était-elle pas un peu imprudente? Certainement. Enfin, on était en 1941, je vous le rappelle. Et au fond, la guerre clandestine ne faisait que commencer. Donc c'est vrai, il y avait beaucoup d'imprudence. Et dès le lendemain matin, à l'aube, le quartier était cerné par l'armée allemande. Et la rafle pouvait commencer. Oui. Seul, un opérateur radio et le responsable d'un groupe ont pu s'échapper par derrière. Mais les autres ont été pris, dont Armand et René. Et la chatte, alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Mathilde Carré, qui ne supportait plus de vivre dans une maison où son ancien amant et sa maîtresse dormaient ensemble, avait trouvé une chambre de bonne dans le quartier. Elle était donc partie de la villa aussitôt après le dîner. Elle a donc échappé à l'arrestation. Pour peu de temps, oui. Car elle reste dans le quartier. Malgré les arrestations? Elle veut récupérer les papiers qu'elle a dissimulés dans une autre chambre qui lui sert de planque. Mais Blecher veille. Il est dissimulé dans une voiture. À côté de lui, il y a René. La rivale de Mathilde. Oui, ouais. Sa rivale, son ennemie. Quand elle aperçoit cette dernière sur le trottoir, elle la désigne à Blecher. C'est elle, c'est la chatte. Aussitôt, deux hommes de l'abvers se précipitent sur elle et l'arrêtent. Ouais. C'est donc René, la première, qui a trahi. Tout à fait. Mais vous allez le voir, la chatte ne va pas être en reste. Le soir même, Mathilde Carré, après un bref interrogatoire, couche à la prison de la Santé. Et les autres? Ils auront des destins divers. Le plus extraordinaire étant celui de Roman Czerniawski, dit Armand. Racontez-moi ça. Dès son arrestation, il revendique haut et fort sa qualité d'officier de l'armée polonaise. Ce qui ne l'empêche nullement d'être aussi brutalement interrogé que les autres et d'être emprisonné. Mais en 1942, il passe un curieux marché avec Blecher. C'est-à-dire qu'il trahit lui aussi? En apparence, oui. Il propose à Blecher de passer en Angleterre et de travailler pour l'Abwehr. Agent double, quoi. Exactement. Blecher est tenté. Et il finit par accepter. Une fausse évasion est organisée et le départ pour l'Angleterre se fait pratiquement sous les yeux des Allemands. Et que fait Roman, ou plutôt Armand, puisque c'est son pseudonyme, lorsqu'il arrive de l'autre côté de la Manche? Mais il raconte toute son histoire. Toute son histoire, et on le croit? Pas tout de suite, non. Le débriefing, comme on dit, est long et minutieux. Mais Armand finit par convaincre, et les Anglais décident de se servir de lui pour intoxiquer les Allemands en leur fournissant de fausses informations. C'est ainsi que, sous le nom de code de Brutus, Roman Czerniawski va devenir une pièce maîtresse dans les manœuvres de diversion autour de Fortitude. Ouais, Fortitude, c'est le nom secret du débarquement. Oui, et l'ancien amant de la chatte finira, je crois, comme général dans l'armée britannique. C'est assez extraordinaire, en effet. Mais, si vous le voulez bien, revenons à l'histoire de la chatte, quand même. Dès sa première nuit en prison, la chatte craque. C'est en tout cas ce qu'elle dira plus tard. Vous avez encore des doutes, là? Oui, parce qu'elle n'a pas subi de mauvais traitements. Elle est simplement enfermée. Alors, c'est vrai, j'ai du mal à croire qu'une femme aguerrie qui vit dans la clandestinité depuis plus d'un an puisse craquer aussi rapidement. Mais vous comprendrez un petit peu plus tard. C'est-à-dire, il faut encore patienter. Elle parle dès le lendemain, c'est ça? Et dans la nuit qui suit, elle devient la maîtresse de Blecher. Difficile d'aller plus vite en besogne. En effet, oui. Et la chatte va livrer à son nouvel amant le nom de tous les membres du réseau qu'elle connaît. Et elle participe même indirectement à leur arrestation. Et comment? Elle leur fixe des rendez-vous et les désigne ainsi à Blecher. C'est ainsi que des dizaines d'hommes et de femmes vont tomber à cause de la chatte. Et dans cette frénésie de dénonciation, il ne fait nul doute qu'il y a aussi chez cette femme délaissée le désir de se venger. Bref, le plus étonnant est encore à venir. Avec X. On a raconté à peu près tout et n'importe quoi sur la chatte, du roman et pas du meilleur. Toutefois, récemment, un auteur, Raymond Ruffin, dans son livre intitulé « Les espionnes du XXe siècle », édition France Empire, donne une version objective de l'histoire de la chatte et il explique ainsi l'étonnante promptitude, ce sont ses mots, avec laquelle Mathilde a été retournée. Je le cite. Sortie de bonne heure de sa cellule, elle est amenée à l'hôtel Édouard VII, où, dans une chambre du dernier étage, l'attend Blecher et un copieux petit déjeuner qui devait lui faire oublier la tasse d'orge grillée de la Santé. Elle se restaure tout en écoutant son interlocuteur abattre ses cartes. Voilà, madame, vous êtes entre nos mains et nous savons beaucoup de choses sur vous. En vérité, nous en savons tellement que le dixième suffirait pour vous envoyer devant un poteau d'exécution. Votre ami René nous a tout dit. Mais en tant que responsable, vous en connaissez naturellement beaucoup plus qu'elle et il va falloir que vous nous racontiez tout cela, sinon, avez-vous bien compris ? Oui, parfaitement, monsieur l'officier. Bien, alors commençons. Sur votre agenda, il est indiqué que ce jour, 19 novembre à 11h, vous avez rendez-vous avec l'un de vos agents. Vous allez vous y rendre, mais je vous accompagnerai vêtu en civil et vous me présenterez comme un ami. Et c'est ainsi que la tragédie va débuter. Grâce à la bonne volonté de la chatte, Bléchère démantèle rapidement et assez facilement le réseau interallié. Mais lorsque cette sinistre besogne est terminée, l'homme de verre a une idée assez ingénieuse. Pourquoi ne pas se servir de l'émetteur du réseau pour fournir de fausses informations aux Britanniques et obtenir en retour de vraies informations ? Et là encore, Mathilde va jouer un rôle décisif. Pourquoi elle ? Parce qu'elle connaît les codes d'identification et qu'elle peut donc envoyer à Londres des messages qui auront tout l'air d'être authentiques. Mmh. Les Anglais sont quand même en droit de se méfier parce que pendant la période des arrestations, l'émetteur d'interallié a dû rester muet. C'est juste. Aussi Bléchère et sa nouvelle maîtresse imaginent-ils la fable suivante. Armand, le chef, et René ont été arrêtés avec d'autres membres du réseau. Mais la chatte a pu échapper à l'arrestation et elle a même récupéré l'émetteur. Et ça marche, cette fable ? Oui, même si à Londres, on est étonné par la réception de certaines informations qui ne collent pas tout à fait avec les rapports envoyés par d'autres réseaux. Enfin, passons, car bientôt Bléchère va avoir un sacré coup de chance. Quoi ? En 1941, le SOE a parachuté en France un agent remarquable, un nommé Pierre de Vaumécourt. Aussitôt arrivé, Vaumécourt crée un réseau, le réseau Autogirou. Mais en novembre, coup dur, son radio est arrêté par la Gestapo. Ça veut dire que Vaumécourt n'a plus de liaison avec Londres. C'est ça. Mais par l'intermédiaire d'un ami avocat, il apprend que le réseau interallié, malgré les arrestations qui l'ont frappé, dispose toujours d'un poste émetteur. Ouais. Il tente donc d'entrer en contact avec la chatte. Oui, oui. Et malgré les mises en garde de cet ami avocat, qui se méfie de la jeune femme. Pourquoi se méfie-t-il ? Il y a d'abord eu toutes ces arrestations. Puis cet homme, comme d'autres membres du réseau, a toujours eu des réticences vis-à-vis de la chatte. Il avait des raisons, enfin de vraies raisons pour cela ? Une intuition, c'est tout. En tout cas, Vaumécourt saute le pas et obtient un rendez-vous avec la chatte. Naturellement, comme vous pouvez vous en douter, Bléchère est là. Sa maîtresse le présente même à Vaumécourt comme étant M. Jean, un industriel flamand qui a des sympathies pour la résistance. Et Vaumécourt tombe dans les filets de Bléchère. Pas tout de suite, non. L'Allemand veut d'abord exploiter le filon. Grâce à Vaumécourt, il peut obtenir des renseignements très intéressants sur le fonctionnement du SOE, les parachutages et le reste. Il demande donc à la chatte de mettre son poste émetteur à la disposition du chef du réseau anti-Giro. Ce qu'elle fait, bien sûr. Elle n'a pas le choix. Le poste est installé dans les locaux de l'Abwehr à Saint-Germain-en-Laye. Une villa que Bléchère a baptisée plaisamment la Chatière. Ah bon, moi c'est clair, ça. N'est-ce pas ? Est-ce que Vaumécourt, qui a été mis en garde, m'avez-vous dit, se jette sans méfiance dans la gueule du loup ? Au début, oui. La chatte, si vous voulez. Oui, oui. Il envoie des messages à Londres grâce à la chatte. Il se rend même en compagnie de M. Jean. Alias Bléchère. Oui, sur un aérodrome clandestin où doit avoir lieu un parachutage. Mais pour une raison inconnue, l'opération est reportée. Dommage pour Bléchère. Et heureux concours de circonstances pour Vaumécourt et les chefs du SOE. Mais déjà, Vaumécourt commence à avoir des doutes. Surtout quand la chatte lui procure pour un membre de son réseau, on entend record un jeu de faux papiers. Des papiers presque trop parfaits. Oui, parce qu'ils ont sans doute été réalisés par les Allemands eux-mêmes. Bien entendu, alors Vaumécourt décide d'en avoir le cœur net. Comment ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'arrange pour se trouver seul avec la chatte. Et il l'interroge de façon très précise et très efficace. Le résultat, c'est qu'assez vite, la jeune femme s'effondre et avoue qu'elle travaille pour Bléchère. Ah bah, décidément. Oui, décidément, comme vous dites. En quelques heures, elle cède à Bléchère et accepte même de coucher avec lui. Et avec Vaumécourt, elle recommence. Et pourquoi ? Elle devient aussi sa maîtresse ? Ça, je n'en sais rien. Enfin, l'essentiel, comme on dit dans les commissariats, c'est qu'elle se met très vite à table. Et qu'elle propose, comme elle l'a fait avec Bléchère, de travailler avec Vaumécourt. Alors, deuxième retournement, donc. Oui. Hein. Mmh. Et elle paraît sincère. Apparemment. Vaumécourt va se servir d'elle et tenter un formidable pari. Ça racontait, alors. La chatte doit informer Bléchère que Vaumécourt va prochainement se rendre à Londres. Il doit participer à une importante réunion de dirigeants de la résistance afin de mieux coordonner l'action des différents groupes. Puis à l'issue de cette réunion, il sera à nouveau parachuté en France. Ouais, je crois avoir compris. Si Bléchère le laisse partir et attend son retour, Il pourra le faire parler, c'est ça, hein, et mm-hmm. obtiendra ainsi des informations de tout premier plan sur la résistance. C'est exactement ça. Oui. Et Blecher marche. Il en réfère quand même à ses supérieurs. Mais c'est le feu vert. Et il accepte même que la chatte soit du voyage. Pourquoi elle Parce qu'il espère bien qu'elle deviendra son agent à Londres. Ah, et c'est la manœuvre qu'il tentera plus tard, hein, si je vous ai bien entendu, avec le Polonais, la Roman Zierniewski. Mm-hmm, oui. Et donc, le départ de Vaumécourt avec la chatte va se faire en plein accord avec Blecher. Il va même se faire sous la surveillance des Allemands. Il est d'ailleurs assez pittoresque. C'est-à-dire, hein. C'est une vedette anglaise qui doit venir chercher les deux agents sur la côte bretonne. Mais la première fois, l'embarcation qu'on leur envoie chavire. Et la chatte se retrouve à l'eau, en plein hiver. Mais bon, la deuxième tentative est la bonne. Ouais, ils arrivent donc à Londres. Oui, et là, tout de suite, Vaumécourt informe ses chefs du SOE du rôle véritable de Mathilde Carré. Donc de sa trahison. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Britanniques ne la rudoient pas. Bien au contraire. Elle a même droit à certains égards. Mmh, et que cherche-t-il alors? Ils veulent obtenir d'elle le maximum d'informations. Sur les Allemands, bien sûr. Ouais. Et Vaumécourt, lui? Il retourne en France. Mais malheureusement, à la suite de l'arrestation d'un courrier, il tombe dans les mains de Blecher. C'est l'arrestation. Un interrogatoire très poussé, puis la déportation. Mais cette arrestation, dès qu'elle est connue à Londres, va changer du tout au tout le sort de la chatte. Mais pourquoi? Parce que Vaumécourt, pris par les Allemands, les Britanniques n'ont plus besoin de ménager la jeune femme, et ils l'envoient en prison. Elle n'en sortira qu'en 1945, pour être aussitôt livrée aux autorités françaises. Mais qui vont la juger? Oui, après une longue, très longue instruction. Manifestement, on n'est pas pressé de la voir comparaître devant un tribunal. Et pourtant, elle est accusée d'avoir dénoncé des dizaines et des dizaines de résistants. Et l'époque n'est pas à la clémence. Et pourtant, elle est condamnée, hein, c'est ça? Condamnée à mort, oui, en 1949, à l'issue d'un très curieux procès. Et pourquoi ce curieux, là, cet adjectif? Parce que les témoins les plus importants ne sont pas entendus. Mais à qui, par exemple? Pierre de Vaumécourt, revenu de déportation, ou Blecher, ou encore Roman Tsernaski. Étrange, non? Et remarquez bien, deux hommes, deux officiers viennent à la barre. Qui sont-ils, ceux-là? Ils ont appartenu tous les deux au service de renseignement de Vichy, à l'époque où la chatte exerçait ses coupables activités. Et ils viennent témoigner en faveur de la jeune femme. Et autant vous le dire tout de suite, c'est la clé de cette histoire. Expliquez-moi, donnez-moi la clé. La chatte, depuis le début, a travaillé pour les services de Vichy, telle est la vérité. Et c'est sur ordre qu'elle s'est engagée auprès de Roman Tsernaevski et du réseau interallié. Et pour l'espionner? Oui. La chatte n'a cessé de rendre compte. Ses services dissimulés au sein d'un organisme appelé le Bureau des Menées Antinationales ou un autre nommé le Bureau des Travaux Ruraux ont joué un rôle obscur pendant ces années-là. Certains étaient prêts à aider la résistance. D'autres, au contraire, étaient franchement pro-allemands. La chatte connaissait donc beaucoup de secrets. Et après-guerre, on ne tenait pas à ce qu'il soit divulgué. Hein. C'est ça. Donc on a fait traîner le procès. Il y a quand même eu cette condamnation à mort. Hein. Qui a été rapidement commuée. Et en 1954, Mathilde Carré a été graciée et libérée. Avouez que ce n'était pas très cher payé pour une femme accusée de tant de crimes. Vous pensez donc que les autorités ont passé une sorte de marché avec la chatte? J'en suis persuadé. Le silence contre une libération relativement rapide. Dernière question. Quand elle travaillait pour Blecher, est-ce qu'elle était toujours en relation avec les gens de Vichy? C'est probable. Et ça rendait encore plus nécessaire le fait qu'elle garde le silence. Car certains des hommes pour lesquels elle avait travaillé avaient opportunément changé de camp pendant la guerre et occupaient désormais de hautes fonctions. Alors, il fallait oublier tout cela, impérativement. Une confirmation. Raymond Ruffin, déjà cité à propos de son livre sur les espionnes du XXe siècle, affirme que la chatte n'a jamais cessé, jusqu'au jour de son arrestation, d'informer les hommes des services de renseignement de Vichy sur les activités du réseau interallié. Plus troublant encore, ce passage d'un témoignage recueilli par Henri Noguer dans sa monumentale histoire de la résistance, paru chez Robert Laffont. Ce témoin, Gorce Franklin, un des rares rescapés du réseau, raconte qu'il avait rendez-vous avec Armand, autrement dit Roman Tsernaevski, dans un café de l'Opéra. L'officier polonais devait lui donner ce jour-là un jeu de faux papiers établi à partir de la vraie carte d'identité du résistant. Gorce Franklin, qui se méfiait déjà de Mathilde Carré, avait demandé qu'en aucun cas son véritable nom ne soit communiqué à la jeune femme. Or, stupeur, c'est la chatte qui vient au rendez-vous. La suite, c'est Gorce Franklin qui la raconte. Malgré l'animation du lieu, je laissais éclater ma fureur devant tant d'inconscience. Et ce fut au cours d'une très violente discussion que Micheline, il s'agit d'un des pseudonymes de la chatte, me révéla, soi-disant pour me rassurer, que, sœur et femme d'officier, elle transmettait fidèlement nos courriers au service de renseignement de Vichy, qu'elle respectait le maréchal et obéissait au gouvernement de Vichy et qu'elle ne se permettrait jamais de juger l'amiral Darlan. Ses confidences furent couronnées, pour me montrer sa confiance et me regonfler, dit-il, la chatte, par une grande révélation. Nous n'avions pas à nous préoccuper, ils étaient, elle et Armand, en relation d'amitié avec des gens de la Gestapo. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur le réseau internet www.franceinter.com. Vous pouvez aussi, grâce à cette adresse, nous poser des questions, nous demander des renseignements et vous aussi nous fournir des informations à propos de cette émission. À samedi prochain.